Du papa de mon papa était un petit piou-piou. La maman du papa de mon papa, elle était nounou. Lui, son nom, c'était Aimé Dépêche, elle s'appelait Amélie Vite. Et attendez, attendez, vous allez voir la suite. Le papa du papa de mon papa s'affolait pour les mollets. La maman du papa de mon papa qui rêvait de convoler. Quand Aimé lutinait les jolis mollets moulés de la mon Amélie, elle frétillait, tortillait comme l'anguille à l'anguille. Et de fil en aiguille, il est arrivé ce que vous pensez. Aimé a pris d'assaut les faveurs qu'Amélie voulait lui refuser. Mais papa du papa de mon papa a dit: je suis pas un pourceau. Je voudrais pas qu'à cause d'un faux pas une fille tombe dans l'opprobre du ruisseau. Je vais de ce pas demander à son papa la main de la belle Amélie Vite, qui de ce fait va devenir Amélie Dépêche. Et leur fils, le papa de mon papa, qu'on nomma Yvan Dépêche, eut pour fils mon grand-papa Guillot, qui était un saint, c'était saint Guillot de pêche, qui en bégayant eut trois jumeaux, mon papa, mon tonton des Dépêche, et ma tata qui s'appelait Belle Dépêche à la ligne. Tata Line épousa un noyau et une pauvre fille avait des noyaux de pêche. Amédée épousa un beau sac pour devenir beau sac de noyaux de pêche. A un fils doté de trois prénoms, un souvenir de ses glorieux ancêtres, Yvan Sévère et mes beaux sacs de noyaux de pêche. C'est mon cousin, Yvan Sévère et mes beaux sacs de noyaux de pêche. We'll be right back.